stuff. Tu joins tes poings et tu contiens ta haine. Tu es sorti, retour à la vie. Faut te racheter pour ta liberté. Ils t'ont dit non à l'agence de placement. Ça t'a surpris, t'en es plus sale des gens. Qu'est-ce qu'il va avoir payé? We'll be right back. comme un Mr. GM.